Chapitre 3e. Tardive réflexion. Après la prière, le thé. Une sorte de contrainte s'était emparée de tout le monde. Lorsqu'on s'est laissé aller à un acte de violence, il y a toujours réaction. Toute violence suppose un effort, et tout effort, une faiblesse relative qui vous oblige à concentrer brusquement sur un point tout ce qui est en vous de puissance effective. Dans le cas présent, l'effort avait été accompagné de colère, et la colère est mauvaise conseillère toujours. En prenant le thé, chacun se mit à réfléchir, et le capitaine se demanda quelle serait la suite de cette affaire. Un procès, cela ferait beaucoup de bruit. Qu'il le perdît ou qu'il le gagnât, sa compagnie jugerait qu'une pareille affaire ne pouvait que lui faire du tort. Chez les Anglais, l'intérêt personnel primant tout, il ramène tout à lui. Le capitaine sentit le sien menacé. Aussi, quand le révérend lui fit compliment d'avoir fait mettre dû son billet offert, le capitaine lui dit brusquement « Si vous ne l'aviez pas provoqué, cela ne serait pas arrivé. » Il y eut chez les femmes un murmure d'étonnement. Les hommes restèrent silencieux, car chacun avait réfléchi. « Mais, s'écria le révérend, l'attitude de cet homme est une sacrilège provocation. »« Je n'en prévois pas moins de très fâcheuses complications, » dit le capitaine. Il se leva, sortit et donna des ordres à son maître d'équipage. 20 minutes après, Dussonville fit au salon une rentrée sensationnelle. Tout le monde était gêné, inquiet, ému. Très pâle, très digne, la tête haute, il dit lentement. « Que chacun de vous interroge sa conscience et sache bien qu'un malheur plane sur ce navire où il était porté atteinte à la liberté de la conscience. Je sors du poste de l'équipage puis du salon des secondes. J'ai posé la même question que je vais poser ici. Quelqu'un, au nom du droit sacré, qu'à chaque homme de ne pratiquer que sa religion, veut-il protester contre la violence que j'ai subie ? Personne ne dit mot. Mademoiselle de Pellouer n'était pas là. Après avoir attendu quelques secondes, Dussonville, comme un juge qui prononce une sentence, dit « Je serai vengé et tous vous l'aurez voulu. Que le destin s'accomplisse. » Il se retira dans sa cabine. Quand il fut parti, le capitaine dit avec mauvaise humeur « C'est un procès. » Un passager plus perspicace que les autres dit tout haut « C'est autre chose. » À propos d'un procès, on ne dit pas que les destins s'accomplissent. « Oh !» fit quelqu'un, « c'est une manière de parler. » Ce monsieur m'a tout l'air d'un emphatique. Sur ce, on parla d'autre chose.